Le soufflet l'avait non seulement dégrisé, mais transfiguré. L'ivrogne avait maintenant l'attitude et le ton d'un gentleman, brutalement offensé. « Quand il vous plaira, répliqua Mirande, je vais vous donner ma carte. Pas ici, je vous prie. Voici les sergents de ville qui arrivent. Je ne veux pas être mis au poste, et je suppose que vous tenez aussi à éviter ce dénouement ridicule. Veuillez sortir avec moi et vos amis, y compris monsieur. » Le souffleté désignait Paul. « J'ai un autre compte à régler avec lui. Mais venez, avant qu'on nous entoure. Nous nous expliquerons dehors. Je ne demande pas mieux. » Trois des étudiants qui escortaient Mirande s'esquivèrent. Ceux-là, comme Panurge, craignaient les coups, naturellement. Les trois autres restèrent. Les femmes s'étaient perdues dans la foule, aussitôt après la gifle. Mirande ouvrit la marche et on lui fit place. Son encolure et ses biceps imposaient le respect aux curieux, et les sergents de ville, enchantés de n'avoir pas à intervenir, laissèrent passer le groupe, subitement apaisé. Une paix provisoire, ou plutôt une trêve, commandée par la crainte de la police, qui n'est pas tendre aux étudiants. Le monsieur, dégrisé, était un homme jeune et élégamment tourné, dont les traits distingués semblaient avoir été altérés par des débauches prolongées. L'ivresse habituelle y avait mis sa marque. Ce n'était pas la physionomie d'un raffiné de vice, comme le vicomte de Cervon. Il y avait de cela avec un peu d'abrutissement en plus. Paul se représentait ainsi le pâle Rolla d'Alfred de Musset, ce Rolla qui n'était autre que le poète lui-même. D'où venait cet homme, évidemment tombé de haut, dans de crapuleuses habitudes? Qu'était-il venu faire à ce bal avec des filles de bas étage? Et quel vertige l'avait poussé à planter là des créatures pour apostropher Paul, à propos d'un nom prononcé, un nom qui ne devait jouir d'aucune notoriété à la Closellerie des Lilas? Avait-il été pris subitement d'un accès de folie? Mirande en était convaincu, et il le lui avait dit. Paul aurait voulu le croire, mais tout en se demandant avec inquiétude comment cette nouvelle aventure allait finir, il ne pouvait pas s'empêcher de douter que cet homme fût fou, et il se disait si pourtant c'était le vrai marquis de Ganges. Cette idée ne fit que traverser le cerveau de Paul Cormier, et tout semblait indiquer qu'elle ne valait pas la peine qu'il s'y arrêtât. Quelle apparence en effet que le marquis de Ganges, au retour d'un long voyage, s'en alla faire la noce, c'était le vrai mot, au bas le bullier, avec des créatures, au lieu de débarquer dans son hôtel de la rue Montaigne, où sa charmante femme l'attendait. Si bas tombé que soit un gentilhomme, il ne s'affiche pas ainsi, et d'ailleurs Cormier n'avait aucune raison de croire que le mari de Jacqueline fût un marquis déchu. Au contraire, on parlait de ses succès financiers, des grandes entreprises qui venaient d'augmenter sa fortune, déjà considérable. Donc ce pochard subitement dégrisé n'était pas, ne pouvait pas être le marquis de Ganges. Alors pourquoi s'était-il fâché, quand il avait entendu donner ce nom et ce titre à un monsieur qui passait? C'était à n'y rien comprendre, et Paul Cormier y renonça. Mirande, lui, ne se creusait pas la tête, à deviner cette énigme. Il avait souffleté un insolent qui menaçait son ami. Il lui devait une réparation, et il ne demandait pas mieux que de la lui accorder. Un soufflet vaut un coup d'épée, c'était une de ses maximes favorites, et il ne sortait pas de là. Il y avait longtemps qu'il n'était pas allé sur le terrain, et il n'était pas homme à manquer une si belle occasion de se refaire la main. Les trois étudiants qui l'avaient suivi étaient trois bons jeunes gens qui ne s'étaient de leur vie battus qu'à coups de poing et qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle d'armes. Ils suivaient Mirande parce que Mirande était le chef incontesté des tapageurs du quartier et ils étaient persuadés que l'affaire se terminerait autour d'un bol de punch. Le groupe sortit sans autre incident de cette closerie où on échange plus de horions qu'on y cueille de lilas. L'orchestre venait de donner le signal d'un nouveau quadrille. Danseurs et danseuses y couraient, sans plus s'occuper des suites d'une dispute comme on en voit à Bullier à peu près tous les soirs. Le problématique marquis marchait en tête comme de juste, puisque c'était lui qui avait proposé de sortir pour régler cette affaire d'honneur, où l'honneur n'était pas en cause, car il s'agissait d'une querelle entre deux ivrognes, dont l'un avait eu la main trop leste. Ce giflet susceptible emmena les autres sous les arbres beaucoup plus loin que la statue du maréchal Ney, au milieu d'un carrefour désert où ces messieurs pouvaient conférer tout à leur aise, sans craindre d'être dérangés. Paul Cormier, qui ne souhaitait la mort de personne, prit le premier la parole, et ce fut pour prêcher la conciliation. « Messieurs, dit-il, il n'y a dans tout cela qu'un malentendu, dont j'ai été la cause bien involontairement, et tout peut s'arranger. »« Plus maintenant, interrompit le soi-disant marquis. « Pourquoi donc pas ? J'exprime tout haut et devant témoin le regret d'avoir été l'occasion d'une querelle, sans motif sérieux. » Entre honnêtes gens, on ne se coupe pas la gorge pour un maudit en l'air. Et le soufflet, il n'était pas en l'air, le soufflet. Il est encore marqué sur ma joue. Un mouvement de vivacité que mon ami regrette, j'en suis sûr. » Mirande s'abstint de confirmer cette appréciation de Paul, et son air disait assez qu'il ne se repentait pas du tout de ce qu'il avait fait. « Bien obligé, répondit l'offensé. Demandez-lui donc s'il veut tendre la joue pour que je lui rende ce qu'il m'a donné. « Je ne vous conseille pas d'essayer, ricana Mirande. Soyez tranquille, je veux autre chose. Je veux vous tuer. « Comme ça, tout de suite ? Vous attendrez bien jusqu'à demain. Et d'abord, je ne me bats pas en duel avec le premier venu. Commencez par me dire qui vous êtes. Je vous l'ai déjà dit, je suis le marquis de Ganges. Et il est probable que je vous ferai beaucoup d'honneur en croisant le fer avec vous, car je ne vous connais pas et... C'est mon nom qu'il vous faut. Je m'appelle Jean de Mirande, et je descends des comtes de Toulouse. Ça vous suffit-il ? Je m'en contenterai. Je serais mal fondé à vous demander de me montrer vos titres, car je suppose que vous ne les avez pas dans votre poche. Je les montrerai demain aux témoins que vous m'enverrez. Demain, s'écria le souffleté, vous voulez rire, je pense. Alors vous croyez que je garderai ma gifle jusqu'à demain ? Rayez cela de votre programme, monsieur le descendant des comtes de Toulouse. C'est la première que je reçois de ma vie. Je ne veux pas aller me coucher avec. Il n'y a que les lâches qui renvoient un duel au lendemain, quand l'offense ne peut se laver qu'avec du sang. Parbleu, je ne demande qu'à m'aligner. Mais je ne peux pourtant pas m'aligner, séance tenante, sous un bec de gaz. D'abord, pour se battre, il faut des témoins, et des épées. Des témoins. Deux de ces messieurs m'en serviront. Bon, et des armes. Vous devez avoir dans ce quartier un ami qui possède une paire de fleurets. Nous en serons quittes pour les démoucheter. J'ai chez moi des épées de combat, s'empressa de dire un des étudiants, un imberbe, qui en était à sa première année de droit. Ces tâches ne rêvent que plaies et bosses. Et je demeure à deux pas d'ici, faubourg Saint-Jacques, en face du Val-de-Grâce. « Merci, monsieur, » dit gravement le marquis. À son attitude et à son langage, Cormier commençait à croire qu'il était tout de bon marquis. Et s'il était vraiment le mari de madame de Ganges, cela compliquait beaucoup la situation. « Il ne nous reste plus qu'à trouver un terrain propice, » reprit ce gentilhomme entêté. « Et à attendre qu'il soit jour, » dit ironiquement Mirande. « Pourquoi ? Il fait un clair de lune superbe. Le duel pourrait avoir lieu dans ma chambre, » proposa le jeune étudiant, altéré du sang, des autres. Je ne dis pas non, répliqua l'offensé irréconciliable. Voyons, voyons, messieurs, s'écria Paul Cormier. Tout cela, je pense, n'est pas sérieux. Vous n'allez pas de gaieté de cœur vous exposer à passer en cour d'assises si cette rencontre absurde se terminait par la mort d'un des deux adversaires. Battez-vous si vous y tenez, mais battez-vous régulièrement. Je vous déclare pour ma part que je refuse d'être témoin dans un duel entre quatre murs et même dans un combat de nuit. Eh bien, nous nous contenterons de trois témoins. Deux suffiraient à la rigueur. « Ah, ça, vous êtes donc enragé, vous ?» dit Paul. Pour toute réponse, le giflet mit son doigt sur sa joue. Et Paul comprit qu'il ne ferait pas entendre raison à ce diable d'homme. Marquis ou non, ce pochard, complètement et subitement dégrisé, savait très bien ce qu'il disait, et surtout ce qu'il voulait. Et Mirande, toujours surexcitée, n'était pas disposée à faire cause commune avec son ami pour empêcher la rencontre. Elle lui plaisait par son étrangeté même. Il pensait à la première scène du roman de Dumas, où les trois mousquetaires vont ferrailler derrière le Luxembourg, et il se faisait une fête de mettre flamberge au vent, comme eux, pour vider au pied levé une querelle ramassée par hasard. Paul, qui ne renonçait pas encore à l'espoir de faire avorter le duel, cherchait un biais et crut l'avoir trouvé. Il pensait que s'il pouvait seulement gagner du temps, les têtes finiraient peut-être par se calmer. Et il dit au marquis, « Vous ne voulez absolument pas attendre jusqu'à demain la réparation que monsieur vous doit et qu'il ne refuse pas de vous accorder ?» Non, et s'il persistait à demander un délai, je le tiendrai pour un lâche. Pas d'injure, monsieur, et faites-moi la grâce de m'écouter, ou bien je croirais qu'en nous imposant des conditions inacceptables, vous cherchez à éviter ce duel. L'offensé protesta d'un geste, mais il écouta, et Paul reprit. Nous y sommes, à demain, attendu qu'il est minuit, et nous sommes à la fin de mai. À 3 heures, il fera jour, ou du moins, on y verra assez clair pour échanger des bottes sans s'éborgner. Vous pouvez bien attendre 3 heures. Tiens, c'est une idée, s'écria Mirande, qui se laissait toujours séduire par l'imprévu. « 3 heures, c'est long, » grommela le marquis. « Et puis je prétends ne pas quitter monsieur jusqu'à ce qu'il m'ait rendu raison. Et qui vous parle de le quitter ? Je compte bien que nous ne nous séparerons pas jusqu'au lever de l'aurore, » dit Paul Cormier. « Original ton idée, » dit Mirande, « mais nous ne pouvons pas battre le pavé de Paris pendant 3 heures. Nous monterons chez moi et nous ferons du punch au kirsch, » s'écria l'étudiant de première année. « Pourquoi ne proposes-tu pas, pendant que tu y es, d'aller souper tous ensemble ?» demanda Paul en haussant les épaules. « Il ne s'agit pas d'un de ces duels qui ne sont que des prétextes à godailles. Tu vas monter chez toi tout seul, tu y prendras tes épées de combat. Elles ne t'ont jamais servi, je suppose. Elles sont toutes neuves. C'est un cadeau que m'a fait mon cousin, qui est sous-lieutenant de dragon. Très bien, c'est ce qu'il nous faut. Tu les apporteras dans leur enveloppe, et nous nous achemineront tout doucement vers les fortifications. Je connais un endroit où nous ne serons pas dérangés, sur le boulevard Jourdan, à gauche de la porte d'Orléans. Mais nous y serons dans 3 quarts d'heure à la porte d'Orléans, grommela Mirande. Et s'il faut battre la semelle sur le chemin de ronde, en attendant le jour, je n'en suis pas. Je sais dans ces parages un cabaret qui reste ouvert toute la nuit. On y vend la goutte au maraîcher en route pour les halles. Et on nous la vendra aussi, n'est-ce pas? Merci. On nous prendrait pour ce que nous sommes, des gens qui viennent se rafraîchir d'un coup de pointe. Et le cabaretier irait prévenir les sergents de ville. Je n'ai pas envie de me déranger pour rien. Et moi non plus, dit le souffleté. J'aime encore mieux fumer des pipes sur un bastion, reprit Mirande. Il ne fait pas froid et je n'ai pas envie de dormir. Je me range à l'avis de mon adversaire, appuya le marquis. Les 3 autres témoins opinèrent dans le même sens, et l'un d'eux qui étudiait la médecine eut soin d'ajouter, assez mal à propos, qu'il avait dans sa poche sa trousse de chirurgie. Toute cette jeunesse était prête à aller là comme une partie de plaisir. Le marquis restait résolu à en finir le plus tôt possible, et Mirande, maintenant, se montrait aussi impatient que lui. Paul Cormier se trouvait être le seul homme raisonnable de la bande, lui qui d'ordinaire ne brillait pas par la prudence. Le sort en était jeté. On allait se battre dans des conditions extravagantes, et il n'y avait guère que Paul qui se préoccupa des conséquences de ce duel insensé. On s'achemina vers le faubourg Saint-Jacques, 2 à 2, le souffleté en tête avec l'étudiant aux épées. Mirande s'arrangea pour rester en serre-file avec son ami Paul, qu'il n'avait pu interroger en tête-à-tête depuis le commencement de la querelle, et qui ne lui en laissa pas le temps, car il lui dit aussitôt « Mon cher, je ne te comprends pas. Quelle lubie t'a pris de frapper cet homme qui ne s'adressait pas à toi? Nous voilà tous embarqués dans une sotte affaire. »« Ah, parbleu !» s'écria Jean, « tu me la bailles belle. C'est toi qui t'es pris de bec avec ce pochard, et tu viens me reprocher de t'avoir évité le soufflet qu'il te destinait ?»« Je ne te reproche pas cela. Je te reproche de lui en avoir donné, hein, qui a rendu le duel inévitable. » Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce marquis de Ganges qui prétend que tu l'as volé son nom, est-ce vrai? Pas du tout, il a entendu de travers. Et tu ne le connais pas? Je ne l'ai jamais vu. Quand il s'est levé pour m'interpeller grossièrement, je l'ai pris d'abord pour un fou, moi aussi, mais je me suis aperçu qu'il ne l'est pas. Je commence même à croire qu'il est bien marquis, quoiqu'il n'en ait pas l'air. Il y a là-dessous quelque chose que je ne comprends pas. Ma foi, tant pis pour lui, si je l'embroche. Il n'avait qu'à se tenir en repos. Je te conseille de le ménager sur le terrain. Si tu le tuais, nous nous trouverions tous dans un très mauvais cas. Oh, je ne tiens qu'à lui donner une leçon. Il est brave, après tout. Un autre aurait reculé devant une rencontre où il n'a personne pour l'assister. Et c'est lui qui l'a exigé. Ce marquis doit avoir beaucoup roulé. Il n'y a que les déclassés pour se jeter tête baissée dans une aventure pareille. Toi qui connais le monde de la noblesse, parce que tu en es, avais-tu déjà entendu parler d'un marquis de Ganges? Jamais. J'ai bien lu autrefois dans un recueil de causes célèbres l'histoire d'une marquise de Ganges qui fut assassinée, si je ne me trompe, par ses beaux-frères et par son mari. Mais ça s'est passé du temps de Louis XIV. Cet ivrogne est-il de la même famille? Je n'en sais rien, et je m'en moque comme d'une guigne. J'aurais préféré ne pas le rencontrer, mais maintenant que le vin tiré, il faut le boire. Et puisque je me bats, je veux que les choses se passent convenablement, sur le terrain et même avant d'y arriver. Ainsi, je pense que nous ne devons pas le laisser faire le chemin avec ce blanc-bec pour unique compagnie. Nous en avons pour 2 heures de faction, avant le point du jour. Je ne peux pas me charger de causer avec lui, en attendant le moment d'en découdre. Il y a un soufflet entre nous deux. Toi qui ne l'as ni donné, ni reçu, ce soufflet. Rien ne t'empêche de distraire ce monsieur, en lui parlant de n'importe quoi. Tu as raison, ce sera convenable. Et d'ailleurs, je ne serais pas fâché de savoir au juste à qui nous avons affaire. Je vais m'y mettre, pendant que le petit montera chercher les épées. Nous voici devant sa porte. C'est le moment de m'accointer de notre homme. Ne t'occupe plus de moi. Mirande se le tint pour dit et aborda les 2 étudiants restés sur le trottoir du faubourg Saint-Jacques, devant l'allée, où leurs camarades venaient d'entrer. Le marquis s'était isolé d'eux, et on eût dit qu'il avait deviné l'intention de Paul Cormier, car il vint à lui. Et quand Paul lui proposa de faire route à côté l'un de l'autre, il répondit « J'allais vous le demander ». Un dialogue ainsi entamé devait aller tout seul, et Paul vit aussitôt qu'il n'aurait pas de peine à en venir à ses fins, c'est-à-dire à se renseigner sur un homme qui pouvait bien être, en dépit des apparences, le mari de Jacqueline, et qui ajouta « Je suis content d'avoir un autre adversaire que vous, car je ne vous en veux plus. Et puisque nous ne nous battrons pas, voulez-vous que nous causions à cœur ouvert du point de départ de cette querelle ? Très volontiers. Eh bien, je vous prie de me dire pourquoi un monsieur, que je ne connais pas, vous a présenté à deux autres messieurs sous un nom et sous un titre qui m'appartiennent. J'ai retenu les leurs. Monsieur le comte de Carol, monsieur de Baffé. Je ne le connais pas, mais je pourrai les retrouver et les interroger plus tard. Je ne doute donc pas que vous ne répondiez franchement à la question que je vous pose. Moi non plus, je ne connaissais pas ces messieurs. Mais vous connaissiez l'autre, celui qui vous a présenté. Fort peu. Je l'ai rencontré dans un salon, où je mettais les pieds ce jour-là pour la première fois, et où j'ai échangé quelques mots avec lui. En me retrouvant à la closerie des Lilas, il s'est rappelé ma figure, et il m'a abordé, mais je suppose qu'il m'aura pris pour un autre. Pour moi, alors, puisque je suis le marquis de Ganges, le vrai, le seul, nous ne nous ressemblons pourtant guère. Pas du tout, et je ne m'explique pas la méprise de ce monsieur. Il ne savait pas mon vrai nom, et il ne le sait pas encore. Mais je tiens à vous l'apprendre. Je m'appelle Paul Cormier et j'achève mon droit. Vous voyez qu'il n'aurait pas dû confondre. Et comme le Français paraissait accepter cette explication, maintenant, reprit Paul, me permettez-vous d'ajouter que si vous m'aviez interrogé tranquillement, au lieu de vous emporter comme vous l'avez fait, nous n'en serions pas où nous en sommes. Certainement non. Et je reconnais que j'ai eu tort. Mais avouez que je suis excusable. J'arrive à Paris après une très longue absence, à Paris où personne ne m'attendait, du moins pas si tôt. Pour des raisons qu'il est inutile de vous dire, parce qu'elles ne vous intéresseraient pas. Je m'étais décidé à ne pas descendre chez moi sans m'y faire annoncer. J'aurais pu, j'en conviens, mieux employer ma soirée, mais j'ai voulu la passer dans ce bal, où je me croyais sûr de ne pas rencontrer de gens de ma connaissance. Jugez de ce que j'ai dû éprouver quand j'ai entendu un monsieur vous appeler par mon nom. Si je vous disais que j'ai cru entendre aussi qu'il parlait de la marquise de Ganges. De la marquise de Ganges, répéta Paul. Non, je ne crois pas qu'il ait parlé d'elle, mais... « Excusez mon indiscrétion. Vous êtes donc marié ?»« Mon Dieu, oui, répondit le souffleté. Ça vous étonne, parce que vous venez de me retrouver à Bullier, buvant avec des drôlesses. Ça vous étonnerait moins si vous connaissiez mon histoire. » Paul criait d'envie de répondre. « Racontez-la-moi. » Mais c'eût été un peu prématuré, au début d'une conversation qui devait se prolonger, puisqu'ils allaient faire route ensemble jusqu'au lieu du combat. D'ailleurs, l'étudiant de première année venait de reparaître, portant sous son bras les épées enveloppées de serge verte, et tout fier de ce fardeau. « Quand il vous plaira, messieurs, dit Jean de Mirande, je prends les devants avec nos camarades. Toi, Paul, tu connais le chemin, et tu n'as qu'à nous suivre en tenant compagnie à monsieur. » Cet arrangement était accepté d'avance, et on s'achemina, dans l'ordre indiqué, vers les fortifications par l'interminable rue du Faubourg Saint-Jacques. Le marquis et Paul formaient l'arrière-garde, et ils n'eurent pas plutôt fait 100 pas, côte à côte, que le marquis reprit en haussant les épaules. « Au fait, pourquoi ne vous la dirai-je pas, mon histoire? Je n'ai rien contre vous, après tout. Vous me plaisez même, et je veux vous prouver que je ne suis pas simplement une brute avinée, comme vous avez pu le croire. » « Je suis déjà convaincu du contraire, dit Paul, et je suis très flatté de la confiance que vous m'accordez. Mais je n'ai aucun droit à recevoir des confidences que vous pourriez plus tard regretter de m'avoir faites. Non, car vous n'en abuserez pas, j'en suis sûr. » J'ai vu tout de suite que vous étiez un galant homme. Et de plus, vous n'êtes pas du monde où je suis né. Je n'ai donc pas d'indiscrétion à redouter de votre part, et pourquoi ne vous le dirai-je pas? J'ai un certain intérêt à vous renseigner sur ma personne et sur mon passé. » Et comme Paul le regardait d'un air étonné, M. de Ganges reprit. « Voici pourquoi. Je suis de première force à l'épée, et j'espère bien tuer votre camarade. Je ne vous cacherai pas que je le souhaite, mais enfin tout arrive, et je puis être tué moi aussi. » En prévision de ce cas, je tiens à vous apprendre certaines choses, à seule fin de ne pas disparaître comme un chien errant qu'on tue derrière une haie. Je ne puis pas, monsieur le marquis, refuser de vous entendre, mais vous voudrez bien vous souvenir que je ne vous ai rien demandé. Je le sais, et je commence. Je suis bien le marquis de Ganges, vous n'en doutez plus, et j'ai sur moi des papiers qui le prouvent. J'ai été riche, et j'ai épousé, étant très jeune, une femme encore plus riche que moi. Je m'étais marié en province, et j'aurais pu y tenir mon rang. Mais j'ai préféré mener la grande vie à Paris, et dans d'autres capitales. Je m'y suis ruiné complètement. Je n'ai pas pu ruiner ma femme parce que ses biens étaient sous le régime total, et je me suis relevé plus d'une fois, par des spéculations heureuses. Ainsi tenez. Il n'y a pas 8 jours, j'avais refait 1 million. Mais j'en voulais 3, et vous devinez le reste. Paul commençait à comprendre pourquoi ce mari n'était pas allé tout droit chez sa femme. En rapprochant ce récit des propos qu'il avait entendus chez la baronne d'Ozulé, Paul s'expliquait comment s'était propagé le bruit des succès financiers du marquis de Ganges à l'étranger, succès qui avait été suivi d'un désastre. Il n'apercevait pas encore ce qu'il allait résulter pour la marquise de cette catastrophe qui ne le touchait qu'à cause d'elle. « Je n'avais plus de quoi faire la guerre à la fortune, » reprit M. de Ganges. « Je me suis décidé brusquement à revenir à Paris, où on ne m'a pas vu depuis longtemps, et j'y suis arrivé nu comme un petit Saint-Jean. Vous allez rire quand vous saurez que j'ai dû laisser mes malles en gage dans le pays où j'étais et qu'il ne me reste pas 5 louis dans ma poche. Ainsi ne suis-je pas descendu à l'auberge. Je comptais passer ma nuit au bal et dans quelques restaurants. J'aurais pu descendre chez moi, c'est-à-dire chez ma femme, mais je ne l'avais pas prévenue de mon arrivée. J'ai préféré remettre ma visite à demain. Non pas comme vous pourriez le croire, parce que je craignais de mal tomber. Ma femme est cuirassée de vertu, sans compter qu'elle a un garde du corps en la personne d'un vieux soldat, que sa famille a comblé de bienfaits, et qui veille sur elle comme sur un trésor. Bon, se dit Paul, c'est l'homme du Luxembourg, celui qui s'est interposé quand Mirande l'a abordé. Non, continua le marquis, je n'ai pas fait le mari prudent. J'étais bien sûr de ne pas déranger cette pauvre Marcelle, qui vit comme une sainte, mais j'ai de si gros aveux à lui faire que j'ai voulu réfléchir avant de la voir. Aurait-il quelque crime ou quelque vilainie sur la conscience, demandait l'étudiant. S'il ne s'agissait que de ma ruine totale, ce ne serait rien. Je me suis déjà ruiné 3 ou 4 fois. Elle y est accoutumée, et puis elle est si bonne. Mais j'ai aggravé mes torts en lui écrivant que j'étais en passe de faire une immense fortune, avec une concession de chemin de fer, que j'avais obtenue en Turquie, où entre nous je n'ai jamais mis les pieds. Elle me croyait à Constantinople, tandis que j'étais... Paul n'osa pas demander. Mais où ses yeux interrogèrent M. de Ganges, qui lui dit brusquement « Êtes-vous joueur ?»« Je l'ai été, » répondit évasivement Paul, qui n'avait garde de parler des 8 000 francs gagnés au baccarat, presque sous les yeux de la marquise. « Si vous ne l'êtes plus, je vous en félicite, mais puisque vous l'avez été, vous allez me comprendre et m'excuser. J'étais à Monaco. »« Oh !» murmura Paul. « Oui, à Monaco, aux 30 et 40. » Et j'ai cru plus d'une fois à la tenir cette fortune que j'annonçais à ma femme. J'ai été en pleine veine. Le diable s'est mis de la partie et j'ai tout perdu. Cette fois, c'est la fin finale. Non seulement parce que je n'ai plus un sou, mais parce que je suis las de la vie que je mène depuis 4 ans. S'il m'était resté seulement de quoi payer mon passage, je me serais embarqué pour l'Australie et ma femme n'aurait plus entendu parler de moi. Je vais la revoir, mais ce sera pour lui faire mes adieux et pour lui conseiller de demander le divorce. J'ai peur qu'elle n'entende pas de cette oreille-là, car elle a tous les préjugés de sa caste. Mieux vaudrait pour elle que je fusse mort, et ma foi, si votre ami me tuait, ça liquiderait une situation inextricable. » Paul comprenait maintenant le caractère du marquis de Ganges, et il ne pouvait se défendre d'une certaine sympathie pour ce gentilhomme dévoyé, qui n'avait pas perdu tout sentiment de l'honneur et de l'équité, puisqu'il risquait gravement sa vie pour venger un outrage reçu, et puisqu'il rendait justice à sa femme.